souci dans la vie, vivre sans souci, à faire mélodie, on parle aux soucis, souci dans la vie, vivre sans souci, à faire mélodie. Et donnons aussi tous les hôpitaux pour se faire soigner dans musique clinique. Et donnons aussi tous les hôpitaux pour se faire soigner dans musique clinique. Dans musique clinique, on guérit le mal, on guérit le souci. Dans musique clinique, on calme les nerfs, maladies. Y a l'intramusique dans musique clinique. Y a l'ambiance et la gaieté, les jolis pépés dans musique clinique. Dans musique clinique, on guérit le mal, on guérit le souci. Dans musique clinique, on calme les nerfs, maladie d'amour. Les soucis, y a l'intramusique dans musique clinique. Y a l'ambiance et la gaieté, les jolis pépés dans musique clinique. Bidoué, bidoué, bidoué, bidoué, bidoué, bidoué, bidoué, bidoué, bidoué. Danser, on guérit le mal. Danser, dans musique clinique. Danser, on guérit souci. Danser, dans musique clinique. Danser, rhum de martini. Danser, y a du bon raya. Danser, du bon vin de pain. Danser, dans musique clinique. Danser, croque bas levé. Danser, au petit matin. Danser, pour guérir le mal. Danser, pour guérir souci. Danser, des maladies d'amour. Danser. Clinique. Danser, on guérit le mal. Danser, dans musique clinique. Danser.